Bonjour, je viens de voir une vidéo. Je vais le dire, c'est qui? C'est Monsieur Cossette Trudel. Il nous parle la cérémonie des Grammy Awards. Puis là, après, il tombe dans un domaine qui est visiblement pas le sien, puis il nous parle des égrégores. Donc là, un instant. Le problème, c'est qu'il nous expose le phénomène à partir des définitions des francs-maçonneux, puis des définitions de Wikipédia. Puis pour des sujets comme ça, là, on n'a pas affaire à de l'information, on a toujours affaire à de la déformation, tout le temps. Donc, je mettrai un lien d'un audio. Bernard, il parle des égrégores, la différence entre les égrégores, les impressions. Bon, M. Cossette Trudel, là, c'est peut-être pas mal intentionné de sa part, mais il expose ça, le phénomène, au niveau de ce qu'il y a derrière la phénoménologie, il expose la mécanique, mais à l'envers. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, les égrégores. Il nous montre ça comme à un moment donné, il montre une image, on voit différents personnages avec un cerveau comme collectif. Puis là, il parle de la volonté d'un collectif là, qui enregistre une forme dans le subtil. Puis bon, ça, c'est ce qu'on appelle un collège énergétique, ça n'a pas rapport là. C'est autre chose. L'égrégore. C'est pas du monde qui vont créer consciemment un égrégore. Puis c'est là qu'il y a des illusions. Puis là, ça, c'est lié justement à la mécanique du fonctionnement de l'astral, puis de certaines forces, comment ça fonctionne. En fait, l'égrégore, il va tout le temps, c'est un agrégat, si on peut dire, il va tout le temps se construire à partir de l'expérimental planétaire involutif inconscient. Et après, ça va agir à travers des individus qui sont en manque d'identité, qui n'ont pas de volonté réelle. On pourrait dire, pour simplifier ça un peu, les gens dominateurs sont dominés par quelque chose au niveau de leur inconscience, de la même façon que les gens qui vont chercher inconsciemment à exercer une influence au niveau d'un corps de désir sont influencés à leur insu. Il nous montre aussi le Baphomet d'Eliphas Lévi, puis il montre comme c'était le Satan. Or, comme je l'avais déjà expliqué, c'est une synthétisation de forces sublunaires planétaires. C'est pour ça qu'il y a deux lunes, puis il n'y a pas de soleil qui est remplacé par un feu au niveau du front du Baphomet. Puis bon, oui, on peut parler là, il y a quelque chose par rapport les influences au niveau de forces de la nature qui ne sont pas liées à la conscience de l'être humain, à sa conscience réelle. Donc oui, on peut parler que c'est satanique, mais c'est pas le Satan, là. C'est pas pareil, là. C'est une synthétisation, c'est une forme synthétisée. De la même façon que, le pentacle est une synthétisation de l'être humain. Puis quand il est inversé, là, on peut dire c'est un peu, ça pourrait représenter aussi le Baphomet, parce que, il n'y a plus la tête, c'est les quatre éléments qui dominent l'homme. Bon, ça pourrait même être un symbole du corps de désir, si on peut dire, c'est-à-dire l'animalité psychologisée de l'être humain. Donc, au niveau de ces mécaniques-là, très subtiles, de comprendre qu'au niveau, par exemple, de la façon dont va se manifester l'égrégore, c'est pas lui qui va donner les formes. C'est pas lui qui va donner les formes. C'est pour ça que ça va s'adapter à chaque personne. Puis c'est la personne, selon son expérimental inconscient, qui va fournir les formes. Toujours. Puis ça va tout le temps agir à travers son inconscience. Juste de faire un petit peu la différence, parce que si on se fie aux définitions des occultistes, l'occulte, c'est ce qui est caché. Puis les occultistes, c'est un peu du monde qui joue à la cachette, si on peut dire. Un peu comme les ésotéristes. Hein. Si on voit la différence entre ésotérique puis exotérique. Ils jouent à la cachette. Pourquoi? Parce que ces forces-là jouent à la cachette avec eux. Puis c'est ce qu'on appelle, entre autres, c'est les sciences de l'involution. Ça fait partie de la spiritualité de l'involution. Puis ces choses-là. Au niveau de ce qui est réellement un égrégore, ce qui est réellement un égrégore, puis au niveau de la mécanique par rapport à de la façon dont ça s'enregistre dans l'astral, que c'est le système nerveux de l'être humain qui va fournir les pulsions électromagnétiques pour que ça s'enregistre au niveau de son expérimental planétaire inconscient. Si M. Cossette Trudel, il comprenait ces phénomènes-là, puis tout, le bouddhisme tibétain prendrait le bord. C'est sûr et certain. Comme beaucoup, il y en a, je suis sûr, qui m'écoutent, ils ont vécu les mêmes phénomènes, puis à un moment donné, il y a un paquet de choses qui ont pris le bord. Ils ont jeté ça aux poubelles. Comme le bouddhisme tibétain, c'est quoi? Hein? Parce qu'il y a des liens à faire avec. C'est comme, on peut pas dire que le bouddhisme tibétain, c'est du satanisme. Mais au niveau de ce qui est réellement un égrégore, on pourrait presque dire, ça a le même égrégore. Dans le fond. Puis là, pour ça, là, c'est là que ça devient assez complexe à voir. Mais il reste que, bon, prenez le Dalai Lama, qui est supposé être une réincarnation, la 14e réincarnation du Dalai Lama. Bon, quand il était, si on peut dire, entre guillemets, intronisé, bon, ça prenait des intestins d'enfant, puis il y a des cérémonies avec des calottes crâniennes, puis bon, c'est de la magie noire, là. Je m'excuse, là, mais c'est ça, là. Puis bon, c'est qui le Dalai Lama, le chef du bouddhisme tibétain? Il est un peu le pape du bouddhisme tibétain. Ben bon, c'est un agent de la CIA, tant qu'à moi. Ils ont même payé une maison, puis peut-être parce qu'ils sachent des choses. Ils savent des choses sur lui, puis bon, hein? Puis il est contrôlé jusqu'à un certain point. Donc, bon, ces affaires-là. Prenez, à un moment donné, M. Cossette-Trudel, ça avait créé certaines interrogations parce qu'il y avait un petit bracelet rouge, vu que c'était lié au bouddhisme tibétain. Là où je veux en venir, c'est si on regarde au-delà de la forme, que même égrégore peut se manifester à travers des formes différentes. Parce que on voit le même phénomène de petits bracelets rouges au niveau, par exemple, des sectes kabbalistes qui, en Californie, c'est des petites cordes rouges qu'on entoure autour du tombeau de Rachel, là. Puis finalement, bon, ceux qui connaissent un peu le judaïsme, puis bon, ça c'est pas la vraie tradition, là, c'est pas la cabale lourianique. Puis d'ailleurs, les rabbins trouvent ça bien comique. Ben, ça dépend, là. C'est une façon de parler, je pense pas qu'ils trouvent ça si drôle que ça, là. Mais prenez, par exemple, bon, là, il va recevoir en entrevue Lalanne. Hein? C'est lui qui est à l'origine de l'espèce de théâtre, la fausse tchouva de Dieu donné. Hein? Puis d'ailleurs, les rabbins ne sont pas dupes. Si vous écoutez ce que Twitou, Rav Twitou, dit de ça, bon, ben, peut-être Dieu donné, il ne comprend pas certains aspects du judaïsme, là. Parce qu'il y a tout le temps une question de rétribution au niveau de faire tchouva, c'est-à-dire que. Bon, ben, si son repentir est réel, ça veut dire que Dieu donné, il faudrait qu'il retourne dans tous les théâtres où il a ri. Il a ri d'eux autres. Puis que pendant autant d'années qu'il a passé à rire d'eux autres, qu'il aille dans tous les théâtres, puis qu'il s'excuse, puis qu'il redonne, dans le fond, pour, par exemple, la construction du troisième temple, autant d'argent qu'il en a fait, puis finalement, il passerait le reste de sa vie. Il passerait le reste de sa vie à s'excuser, à donner son argent, à se promener d'un lieu à l'autre, à dire pardon, pardon. Parce que c'est comme ça dans le judaïsme. Ou quelqu'un qui a un réel repentir, puis bon. C'est pour ça que c'est juste du théâtre. C'est M. Lalanne qui est à l'origine de ça chez Dieu donné. Puis là, M. Cossette-Trudel va rencontrer M. Lalanne, puis tout. Puis je le sais pas, là. Dans le fond, là, on dirait qu'il y a une patte de service de renseignement à l'arrière ces affaires-là. Puis j'ai pas confiance 2 secondes. J'ai pas confiance 2 secondes. Puis M. Cossette-Trudel, bon, ses affaires de bouddhisme tibétain, sur son affaire, c'est privé, c'était à lui de pas en parler. Hein? Bon. Bon, par exemple, l'affaire de la façon qu'il expose les égrégores, là, en allant se référencer sur des articles Wikipédia, c'est pas une référence Wikipédia pour des choses comme ça. Puis les maçonniers non plus. C'est pour ça que je vais vous mettre le lien. Bernard, qui parle de la différence entre l'impression, entre autres, les égrégores, des choses comme ça, il va pas jusqu'au fond de c'est quoi les égrégores, puis comment ça fonctionne, puis peut-être qu'on pourrait à un moment donné en parler. Mais là, bon, non, non, c'est juste que je trouvais ça un petit peu spécial, là, puisqu'il est arrivé au Grammy Award, puis tout, ben, il y a aussi eu une affaire au niveau de la musique en Angleterre. Regardez comment ces gens-là sont vêtus. C'est assez spécial. On n'est plus dans, c'est plus de l'esthétique, là, c'est de l'anti-esthétique, puis bon. Ben oui, mais c'est anglo-saxon, entre autres, ça, c'est aussi, bon. La civilisation occidentale, elle est gréco-latine et ibérique. Désolé, là. Puis le reste, là, ce qui est anglo-saxon, ce qui est germanique, ce qui est scandinave, ce qui est slave, c'est ce qu'on appelait anciennement les barbares. Puis Prenez le Danemark. Prenez dans les pièces de Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark dans Hamlet, mais il ne pouvait pas se permettre, pour des raisons politiques, surtout dans le temps là, de William Cecil, d'aller exposer des choses à ce point-là. Donc, il parle du Danemark. Mais il reste que ça montre une certaine lucidité qui a été encryptée dans des pièces de théâtre. Puis, ouais, la pourriture, elle vient du Nord, puis elle descend. Mais c'est pas grave, là. C'est pas, faut pas devenir haineux non plus. Faut pas devenir haineux non plus. Mais il reste que, bon, quelqu'un qui comprend c'est quoi réellement les égrégores, le sublunaire planétaire, puis tout, ben, bon, le bouddhisme tibétain prendrait le bord. Puis c'est là que on peut comprendre pourquoi il y a certaines sociétés secrètes, même ça va au-delà de des francs-maçonneux, là, qui avaient dit. Des gens qui avaient dit, plus c'est de lire entre les lignes, dit, si nous sommes notre propre position, qui pourra être contre nous? Hein? C'est là où on comprend bien des affaires. Parce que, bon, M. Cossette Trudel, il a coupé certains liens, dit-on, à ce qu'il dit avec sa famille, après, parce que, bon, il ne s'entendait pas avec ses parents sur certaines questions, puis bah. C'est drôle, moi, si mes parents avaient fait partie d'une opération comme le FLQ, qui est un montage du début jusqu'à la fin, dans le fond. Bourassa, il savait où ce qui était Pierre Laporte à chaque instant, puis ça a tout été, ça a tout fini par être, les FLQ, c'était pas réel, là. Hein? C'est un peu comme quand le SCRS, il essayait de convaincre un couple d'attardés en Alberta de commettre des attentats, là. Hein? Donc, c'est un montage, puis tout. Puis après, il s'en va à Cuba. C'est drôle, hein? M. Cossette Trudel était enfant à Cuba dans les mêmes années que Margaret Trudeau amenait Justin par là. Peut-être qu'on le sait pas. Peut-être qu'ils ont été amis, enfin, puis qu'ils ont joué ensemble. Puis peut-être que c'est pas si ennemi que ça, dans le fond. Puis quelle affaire, c'est « Si nous sommes notre propre opposition, qui pourra être contre nous? » Hein? Ça revient à ça, là. Prenez, là, dernièrement, je regardais ça, dans le journal de Montréal, il y a un objet volant qui était abattu au-dessus des Grands Lacs. Puis là, l'article du journal de Montréal, qu'est-ce qu'ils mettent en couverture comme dessin? Une soucoupe volante! Puis ils nous parlent de soucoupe volante dans le titre. Il y a l'oiseau manqueur qui disait, ben, le 24, probablement qu'il n'arrivera rien. Mais attention, parce que, bon,